flip, sort ta basse. Ouais, sympa, dis donc, t'as dû te clater. I don't use jambata, I prefer report. Bon appétit! Oula! Oula là, bip! T'as pété un câble! C'est un peu fort là!

Thank you. Thank you. Thank you.